Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le mouvement d'allégeance des États s'est-il puissamment accéléré depuis l'implosion des marchés financiers en 2008? Sans marquer bien sûr un retour au Moyen-Âge, dans quelle mesure peut-il y avoir une résurgence de l'ordre féodal qui se manifesterait par des nouvelles techniques d'inféodation des personnes et de concession des choses, s'interroge le juriste Alain Supiot. Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, membre depuis 2017 de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, Alain Supiot voit dans l'analyse juridique une manière privilégiée pour observer sans jugement de valeur les mutations de notre monde, même si certaines se révèlent bien glaçantes. Cette analyse juridique met en lumière une situation complexe d'hybridation du public et du privé qui se donne à voir dans la généralisation de liens d'allégeance entre les personnes dans le contexte présent de recul du gouvernement par les lois sous l'effet de l'effacement de l'État, de la soumission de l'ordre juridique à l'ordre économique et technique, du calcul d'utilité et de la gouvernance par les nombres dans un monde globalisé. La série diffusée cette semaine s'attache donc aux figures de l'allégeance. Dans les cours précédents, Alain Supiot a montré le recul de l'hétéronomie et le caractère insoutenable d'une société sans foi ni loi. Il a rappelé, je le cite, que dans un système de gouvernement par les lois, la soumission de tous à des lois générales et abstraites est la condition de la liberté reconnue à chacun. Cette structure implique la mise en scène d'un tiers garant des lois qui transcende la volonté et les intérêts des individus. Or, ce modèle recule au profit de la résurgence du gouvernement par les hommes sous des formes inédites. Dans un système de gouvernement par les hommes, rappelle Alain Supiot, ces derniers sont inscrits dans des réseaux de liens, de dépendance. Ce n'est pas la soumission de tous à une même loi abstraite qui est alors recherchée, mais la conformité du comportement de chacun à la place qu'il occupe dans ce réseau. Chacun doit servir au mieux les intérêts de celui dont il dépend, et doit pouvoir compter sur la loyauté de ceux qui dépendent de lui. L'inscription dans des liens personnels, et non plus la soumission à une même loi impersonnelle, définit alors la condition juridique des hommes, aussi bien dans leurs rapports mutuels que dans les rapports avec les choses. Après le ritualisme chinois dans le cours précédent, Alain Supiot s'attache donc aujourd'hui à trouver dans les concepts juridiques propres à la féodalité des clés d'analyse des bouleversements institutionnels de grande ampleur qui sont à l'œuvre derrière la notion acritique de globalisation. Alors comment la société en réseau peut-elle marquer non le stade suprême de la liberté individuelle, mais le nouveau visage du féodalisme ? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 14 mai 2014 pour le cours d'Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui, la résurgence du gouvernement par les hommes. Donc nous poursuivons ce chapitre consacré aux différentes formes de gouvernement par les hommes. Nous avons évoqué très brièvement la dernière fois l'ordre rituel et je vais vous parler aujourd'hui de l'ordre féodal, et c'est par ce détour féodal que nous retrouverons ensuite le monde contemporain. Comme le ritualisme, le féodalisme est dominé par l'idée de lien personnel. Et la féodalité a toujours ressurgi dans des périodes marquées par l'affaiblissement du pouvoir central. Mais toujours, il a ressurgi sous des formes différentes. La féodalité chinoise ou japonaise, par exemple, se distingue par bien des traits de celle qui s'est construite dans l'Occident. Le livre de référence ici, qui reste le livre de référence, c'est celui de Marc Bloch sur la société féodale. Une des remarques que fait Bloch, c'est que l'un des éléments propres de la féodalité occidentale, qui le distingue par exemple du cas japonais, est précisément la valeur juridique qui est attachée au lien de dépendance qui lie les hommes entre eux. Dimension juridique qui est absente du cas japonais, par exemple. Vous le savez, je vais rappeler quelques notions vraiment très élémentaires, mais le lien de base qui constitue la trame du lien social dans l'ordre féodal, c'est la vassalité, c'est-à-dire un contrat d'un type très particulier qui combine un élément personnel et un élément réel. L'élément personnel réside dans l'inféodation d'une personne à une autre qui se réalise selon les conditions des intéressés, soit dans une cérémonie qui s'appelle l'hommage, soit par le servage. Là, vous avez une représentation de ce lien de base avec un hommage rendu par un noble à son suzerain. Ça, c'est l'élément personnel, un lien, une relation personnelle tissée entre deux hommes. Et l'élément réel réside dans la concession qui est faite à l'inféodé, celui qui rend hommage. On lui concède un bien, bien grevé de charges, au bénéfice du concédant, et qui prend la forme, selon la condition des intéressés, de ce qu'on appelle un fief, ou bien, si on n'a pas affaire à un noble, d'une tenure servile. Et l'hypothèse sur laquelle nous allons travailler, c'est justement celle d'une résurgence de cette structure juridique, de ce montage, de cette combinaison d'un lien personnel de dépendance avec l'allocation d'un bien grevé de charges, de la tenure service. Et il faut commencer ici tout de suite par une mise en garde pour éviter les malentendus. L'hypothèse d'une reféodalisation du droit a été avancée par divers auteurs de ces 20 dernières années et elle ne signifie pas un retour au Moyen-Âge. Je mets la résurgence d'une structure juridique que la construction des États-nations avait fait disparaître. Alors, il faut, pour comprendre, justement pour éviter les malentendus sur cette notion de reféodalisation, avoir à l'esprit que l'histoire du droit et des institutions n'est pas une histoire linéaire, continue, mais que c'est plutôt une histoire sédimentaire. Ce point a été lui aussi mis en lumière par divers auteurs dans des horizons culturels différents. Les corpus dogmatiques ne disparaissent pas, ils sont ensevelis par d'autres qui viennent les recouvrir, et quand ceux qui les ont recouverts sont érodés, ils réapparaissent. Et c'est en ce sens qu'il est permis d'avancer l'hypothèse d'une résurgence de l'ordre féodal qui se manifeste par de nouvelles techniques d'inféodation des personnes et de nouvelles techniques de concession des choses. Alors, les techniques d'inféodation des personnes se présentent aujourd'hui sous un nom qui est très moderne, que juristes et sociologues appellent des réseaux. Et nous avons vu l'an dernier que la représentation du monde comme un réseau de particules communicantes a été portée dans l'après-guerre par la cybernétique, avant d'inspirer la philosophie postmoderne et, plus près de nous, la doctrine Law and Economics. Et cette représentation se trouve aujourd'hui mise en œuvre par les techniques de management participatif qui assujettissent l'action des hommes à la réalisation d'objectifs et non plus à l'observation de règles. S'il veut bien se souvenir que la matrice des réseaux est la féodalité, on comprend vite que l'attirail contractuel qui est mobilisé pour les construire n'épuise pas leur nature juridique et que la société en réseau marque non pas le stade suprême de la liberté individuelle, mais précisément une résurgence d'une forme nouvelle, inédite, d'ordre féodal. Et cette résurgence se manifeste par un double déplacement, déplacement du souverain au suzerain et déplacement de la loi au lien. Alors je commencerai par le premier passage, passage du souverain au suzerain. En Europe, c'est la face la plus visible de l'inféodation des personnes. Alors je vous rappelle la différence entre la figure du souverain et celle du suzerain. Le souverain est titulaire d'un pouvoir suprême qui se pose lui-même et cause de lui-même et peut s'exercer directement sur tous ses sujets. Au contraire, le suzerain n'a de prise directe que sur ses propres vassaux et non pas sur les vassaux de ses vassaux. J'ai cherché des images un peu enfantines, comment on explique aux enfants ce qu'est l'ordre féodal. Et à droite, ce que je vous ai mis, c'est une représentation des chaînes de sous-traitance dans le domaine de l'habillement que j'ai trouvé dans un rapport dont nous reparlerons, qui est le rapport de l'OCDE suite à la catastrophe du Rana Plaza. Et vous voyez que nous avons là aussi des donneurs d'ordre qui contrôlent un ensemble de producteurs et qui font appel d'abord à des producteurs, des fournisseurs ou des sous-traitants de rang 1 qui eux-mêmes vont faire appel à des sous-traitants de rang 2, etc., etc. Et normalement, c'est l'un des problèmes, parce qu'on va parler de questions très contemporaines d'ici 2 ou 3 séances, le donneur d'ordre dit « moi, je ne connais pas les sous-traitants de mes sous-traitants ». Ce sont des étrangers, je n'ai pas d'ordre directement à leur donner, je n'ai de relations contractuelles qu'avec le premier niveau. Eh bien, c'est comme ça qu'est conçue la figure du suzerain. Il est suzerain d'un vassal qui lui-même peut être suzerain d'un autre vassal. Alors, cette différence est la raison pour laquelle la souveraineté a constitué de la fin du Moyen-Âge à nos jours, c'est-à-dire de Bodin jusqu'à Kelsen, la clé de voûte de la théorie moderne de l'État. Mais ce concept de souveraineté est impropre à rendre compte des transformations contemporaines de l'État, dont la position s'apparente de moins en moins à celle d'un souverain et de plus en plus à celle d'un suzerain. Aujourd'hui, je vous donne juste une sorte de tableau général, je vais passer beaucoup d'exemples, je vais en évoquer beaucoup sans les approfondir. Bien sûr, l'Union européenne est la manifestation la plus éclatante de ce retour de la suzeraineté. La puissance publique européenne n'est évidemment pas une puissance souveraine. D'ailleurs, il lui manque un certain nombre d'attributs. La caractéristique essentielle de l'ordre juridique européen est d'inféoder les États membres à une Union européenne qui est elle-même privée de l'essentiel des attributs de la souveraineté sur ses propres citoyens. Autrement dit, l'Europe n'exerce sur les peuples qu'un pouvoir indirect qui requiert la médiation des États qui se reconnaissent ses vassaux, ce qu'on appelle les États membres. Il en va de même, du reste, de certaines organisations économiques internationales, telles par exemple le Fonds monétaire international, dont le pouvoir sur la vie des peuples ne peut s'exercer que par un acte d'allégeance des États qui se soumettent à ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel et qui renoncent ainsi à une part de leur souveraineté. En effet, l'action du FMI ne s'organise pas sur un mode contractuel. Le FMI ne contracte pas avec les États qu'il vient soutenir financièrement, mais sur un acte d'allégeance qui est formalisé dans une lettre d'intention qui est adressée au FMI par l'État concerné. En pratique, les choses se passent comme ça. Le FMI vient dans l'État, on rencontre les ministres, enfin, ou plus exactement, ils sont comme les élèves dans la classe, on leur explique ce qu'on attend d'eux pour qu'ils aient le soutien financier. Et ensuite, le gouvernement écrit une lettre, unilatéralement, disant après notre discussion, nous allons mettre en œuvre ce programme. C'est une lettre unilatérale. J'en ai un exemple très récent, puisqu'il s'agit d'une lettre adressée par le gouvernement malien à la directrice générale du FMI le 2 décembre dernier. Et c'est ce type de lettre que vous trouvez d'ailleurs sur le site internet du FMI qui formalise les rapports entre le FMI et les États. Et donc derrière la façade dite de la gouvernance économique que ces institutions prétendent exercer, il n'est pas difficile de percevoir là encore des techniques de vassalisation qui à terme sont incompatibles avec la souveraineté des peuples et des pays concernés au sens classique de la notion de souveraineté. Et ce mouvement d'allégeance des États, c'est puissamment, enfin de certains d'entre eux, s'est puissamment accéléré depuis l'implosion des marchés financiers en 2008. L'utilisation des fonds publics pour renflouer des banquiers faillis a été suivie en Europe par l'installation de représentants de ces banquiers à la tête des pays européens les plus endettés. Et après que les États eurent pris en charge la facture de l'implosion des marchés financiers, argument a été tiré des dettes ainsi souscrites pour les obliger à privatiser ce qui reste de services publics et à déréglementer complètement les marchés du travail. Nous avons ici un cas d'école qui est celui de la Grèce, ce qu'on a appelé d'une façon d'ailleurs, parce que l'inconscient, c'est même pas l'inconscient, le subconscient, les pigs, les cochons, donc les pays du Sud, qui ont été soumis aux disciplines de la Troïka. Là aussi, c'est très intéressant parce que l'on voit ce que contient institutionnellement en germe cette comparaison faite sans cesse entre le budget de l'État qui devrait être juré comme le budget d'une entreprise, ou l'idée que les entreprises et les États sont des formes finalement assimilables d'organisation relevant de même forme de gouvernement. Le résultat de ça, c'est que si un État est trop endetté, eh bien on fait comme une entreprise trop endettée, on nomme un syndic de faillite qui vient prendre la place de qui ? Ben, du peuple souverain, pour décider à sa place et pour redresser les comptes. Donc il y a là bien plus que le procédé bien connu de privatisation des bénéfices et de socialisation des pertes, il y a une remise en cause frontale du droit des peuples à se gouverner eux-mêmes. Et le mot d'ordre que nous avons évoqué l'an dernier de Friedrich Hayek visant à détrôner la politique et à instaurer, je répète aussi les mots de Hayek, une démocratie limitée, qui mette hors de portée électorale la question de la répartition des richesses, ce mot d'ordre est en passe de se réaliser en Europe. Voilà pour le déplacement du souverain au suzerain. Maintenant, le déplacement de la loi au lien est propre à caractériser le foisonnement de nouveaux contrats qui n'ont plus seulement pour objet d'obliger les parties à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose de déterminé. Nous avons vu que c'est ça la définition classique du contrat la semaine dernière, mais qui vise à créer entre elles un lien qui oblige l'une à se comporter conformément aux attentes de l'autre. Alors, c'est le cas tout d'abord de la plupart des contrats qui organisent la dépendance d'une personne, physique ou morale, à l'égard d'une autre. Ces contrats qui intègrent une personne dans l'organisation de l'activité d'une autre rétroagissent sur la condition des parties et oblige à définir entre elles un lien doté d'un minimum de stabilité. Alors ce phénomène a été aperçu et théorisé notamment par des juristes américains. Le nom le plus connu ici est celui de Ian McNeil, qui a mis en évidence l'essor de ce qu'il appelle les relational contracts, les contrats relationnels. Alors ces techniques se retrouvent aussi à l'œuvre dans l'action publique. Au lieu de réglementer les activités des personnes privées, l'État pourra leur confier le soin de définir elles-mêmes les modalités de réalisation des objectifs qu'il leur fixe, tout en se réservant la possibilité de contrôler cette réalisation et de rétroagir en cas de manquement constaté. Un exemple que je pourrais donner ici, c'est celui des obligations de négocier en droit du travail. Pendant longtemps, la négociation collective a été un domaine qui était laissé totalement à l'initiative des employeurs, des organisations patronales et syndicales. Depuis les années 80, on a vu apparaître avec les obligations de négocier une technique où le gouvernement dit « je fixe un objectif, par exemple, il faut réformer ou flexibiliser ou assouplir les conditions du licenciement tout en assurant une meilleure sécurité des personnes. Ce n'est pas moi, législateur, qui vais le faire, donc vous devez négocier. » Mon exemple introduit ce que nous verrons de façon beaucoup plus approfondie dans un cours suivant sur la loi de sécurisation des parcours professionnels. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres exemples. Si vous prenez la liste des obligations de négocier au niveau des branches et au niveau des entreprises, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets qui sont hors de l'échange quantitatif travail contre salaire. Il y a l'égalisation entre hommes et femmes, il y a la formation professionnelle, il y a tout un agenda qui est renvoyé, au fond, aux acteurs privés à qui on confie le mandat de fixer des règles, d'atteindre des objectifs. Et s'ils ne le font pas, par exemple dans le cas d'une négociation interprofessionnelle, le Parlement se réserve la possibilité de réintervenir et d'imposer lui-même une loi. Sans droit du travail, c'est ce qu'on a appelé la pratique des lois négociées, qui même, il était question, j'en entends plus parler, mais même d'introduire dans la Constitution les dispositions qui, d'ores et déjà, a valeur législative et qui oblige le législateur à consulter et à inciter à une négociation des partenaires sociaux dès lors qu'il intervient, qu'il entend intervenir dans le domaine du droit du travail. Alors, en droit de l'Union européenne, ces techniques s'étendent sous la bannière de la gouvernance économique qui conduit à la mise en place de mécanismes de contrôle permanent de la mise en œuvre par les États des obligations qu'ils ont souscrites en matière de comptes publics. Nous avons vu l'an dernier qu'un pas décisif dans cette direction a été franchi avec la ratification du traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire, qui a été signé le 2 mars 2012 et qui concerne les 25 gouvernements de la zone, tous les gouvernements de la zone euro. Là aussi, il y a l'établissement d'un lien à long terme avec trajectoire à suivre, mécanisme de suivi, monitoring, pour employer la terminologie en vigueur. Et nous avons vu que ce traité prévoit des objectifs chiffrés de rétablissement des équilibres budgétaires qui sont assortis d'un mécanisme de correction qui se déclenche automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à cet objectif. Donc, on n'attend plus ici, nous l'avons dit l'année dernière aussi, des États qu'ils agissent conformément aux lois européennes, mais qu'ils réagissent en temps réel aux signaux chiffrés qui leur sont adressés. Mais derrière ce rêve cybernétique de mise en pilotage automatique des affaires publiques, c'est bien un lien juridique d'allégeance qui est ainsi établi entre les États et les instances européennes. Nous avons évoqué ainsi l'aspect personnel du lien, les techniques de l'inféodation des personnes. J'en viens maintenant à l'autre dimension, c'est l'essor des techniques de concession des choses, c'est l'élément réel du lien d'allégeance. Ces techniques de concession des choses, dans le système féodal, concernaient essentiellement la terre, parce que la richesse était essentiellement foncière. Et d'ailleurs, ça procédait d'une conception du droit de propriété assez différente de celle qui est aujourd'hui la nôtre, on considérait que les hommes sont toujours non pas tant les propriétaires que les tenanciers. Le mot tenancier, d'où vient tenure, et dans les universités américaines, tenures, qui désigne la position la plus recherchée pour un professeur qui veut être titularisé, mais c'est un vieux mot féodal, c'est le fait que vous tenez un bien, donc vous l'avez sous votre contrôle, mais vous le tenez de quelqu'un. Et l'idée concernant la terre était que, en dernière instance, elle appartient à Dieu et non aux hommes. Et donc, cette idée demeure aujourd'hui encore en droit anglais, où aucun sujet ne peut être techniquement propriétaire de la terre, même s'il en a le bénéfice exclusif, puisque tous tiennent la terre du souverain, qui lui-même la tient de Dieu. Bon, ça, c'est la façon médiévale et féodale de penser le rapport à la terre. qui, à certains égards, était une manière plus intelligente, j'allais dire, au regard des préoccupations écologiques qui sont aujourd'hui les nôtres. Il y avait dans cette conception du rapport à la Terre une subtilité qui nous manque, c'est-à-dire on regardait ce rapport avec deux yeux, c'est-à-dire d'une part nous maîtrisons la Terre, la mettons en valeur, mais d'autre part nous la tenons et nous allons devoir la transmettre et donc nous avons des devoirs vis-à-vis d'elle. Alors ce type de montage qu'on trouve, qui a été très bien étudié en particulier dans le cas africain, dans les travaux de Danuta Libersky, Banyu, où on trouve sous d'autres formes bien entendu, cette conception beaucoup plus complexe du rapport à la nature et à l'environnement, que cette fiction de la propriété telle qu'elle est affirmée à partir de la Révolution française, comme une sorte de tête-à-tête, de corps-à-corps exclusif où un homme posséderait la terre. N'oublions jamais qu'à la fin du jour, c'est la terre qui mange l'homme, toujours. Donc cette conception féodale avait aussi des raisons d'être, mais en mettant de côté ici, évidemment, le cadre religieux dans lequel est exprimé. Donc on tenait toujours la terre d'autrui, si ce n'est par exception, dans ce qu'on appelait techniquement les alleux, qui étaient des biens qui étaient possédés en propre. Et au fond, l'idée, c'est qu'on distinguait, en général, ce qu'on appelait le domaine utile, qui était attribué au tenancier de la chose, et le domaine éminent, qui était conservé par le seigneur, qui avait concédé cette chose en fief ou en tenure roturière ou servile. Bon, c'est vraiment des notions de base que je vous rappelle de droit des biens féodales, mais il faut avoir ça en tête, c'est très précieux pour comprendre la modernité. Et cette concession était indissociable des liens personnels entre concédant et concessionnaire, et de la fidélité due par le vassal au suzerain, ou bien des prestations économiques dues par le roturier ou le vilain à son seigneur. Donc dans le même temps, je fais acte d'allégeance, je reçois un bien, mais je dois gérer ce bien dans des conditions qui doivent être profitables à celui vis-à-vis de qui j'ai fait allégeance. Et c'est ce même système de concession qui se retrouvait en droit féodal s'agissant de l'attribution des charges. Il s'agisse des charges publiques ou des charges ecclésiastiques, le titulaire d'une telle charge se trouvait rémunéré par l'attribution d'un bénéfice, ce qu'on appelait un bénéfice, c'est-à-dire des revenus de biens attachés à cette charge. Et il y avait un lien qui a donné lieu à beaucoup de jeux de mots entre le beneficium et l'officium. Vous avez un bénéfice parce que vous remplissez votre office. On en trouve une trace, par exemple, dans la fonction publique contemporaine, encore, on ne parle pas de salaire. Celui qui sert l'État, parce que ce sont des choses qui ont survécu, n'ont pas été avalées par le modèle du marché du travail, il reçoit un traitement. Bon. Donc le traitement, c'est l'héritier du vieux beneficium. Et dès l'origine, évidemment, on critiquait ceux qui sont très contents d'avoir le beneficium, mais qui se dispensent de l'officium, ou qui en font le moins possible. Et ce lien officium-beneficium est tout à fait autre chose que le lien contractuel entre une quantité de travail et une quantité de salaire, bien entendu. L'État traite son fonctionnaire dignement, j'allais dire du moment où il l'embauche jusqu'à sa mort. C'était ça l'idée. D'où un système de... Il n'y a pas de régime de retraite, par exemple. C'est un legs de ces vieilles conceptions. Alors, dans ce système, les rapports des hommes aux choses, vous voyez, sont toujours l'ombre portée des rapports entre les hommes. Ce qui est premier, c'est les rapports entre les hommes, et c'est ça qui permet de comprendre leur rapport avec les choses. Et c'est Louis Dumont, notamment, qui a montré dans son très beau livre sur Homo Equalis, sur l'idéologie économique, que l'idéologie économique contemporaine impliquait que les relations entre les hommes soient subordonnées aux relations entre les hommes et les choses. L'économie de marché, en effet, a besoin de choses qui soient nettoyées de toute trace de lien personnel. Si vous êtes tenancier d'une chose, mais qu'il y a quelqu'un qui a un droit éminent sur cette chose, elle ne va pas pouvoir circuler commodément sur le marché. Donc il faut que la chose soit débarrassée de tout cet attirail, de cet empilage de liens personnels, de souveraineté, pour qu'elle puisse apparaître comme une chose dans le commerce. Et l'analyse du droit positif montre ici encore une résurgence de la structure féodale qui se marque par le démembrement de la propriété et l'affermage des fonctions. Le démembrement de la propriété, tout d'abord, c'est une conséquence évidente de la consécration et de l'essor des droits de propriété intellectuelle. Celle-ci consiste, la propriété intellectuelle, à reconnaître à une personne un droit sur une chose qui peut être la propriété matérielle d'un autre. Et les prérogatives du propriétaire intellectuel vont varier selon les cas, mais elles conduisent toujours à faire perdre sa portée absolue à la propriété matérielle du bien. Que se passe-t-il, par exemple, lorsque vous achetez un logiciel Apple? Je prends l'exemple d'Apple, mais avec Windows, c'est pareil. Hein, mais, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez cocher quelque part un contrat de licence d'utilisation. Vous payez, mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous êtes propriétaire? Non, vous avez un droit d'usage sur quelque chose d'immatériel dont vous n'êtes pas propriétaire et dont vous devez donc respecter les droits du propriétaire. Car le droit du propriétaire intellectuel suit la chose, quel que soit son propriétaire matériel. C'est-à-dire, si vous vendez l'ordinateur avec ses logiciels, vous ne pouvez pas vendre plus que ce que vous ne possédez vous-même, et donc celui qui va l'acheter aura vis-à-vis du fabricant de logiciels les mêmes devoirs. Et cette idée, c'est Marcel Mauss qui l'observe immédiatement, il en fait la remarque avec sa profondeur habituelle, la propriété intellectuelle fait ressurgir dans le monde moderne l'esprit des choses qu'on croyait propres aux sociétés archaïques. Là, je fais allusion, bien entendu, au fameux essai de Mauss sur l'essai sur le don, où il dit, quand vous donnez, il dit, il y a quelque chose qui circule avec la chose. D'ailleurs, le mot « gift », ça veut dire « poison » aussi. C'est pour ça qu'il faut rendre. Parce que si vous acceptez sans rendre, ça va vous tuer. Donc, il y a l'idée qu'avec les choses, circule autre chose que les choses. Eh bien, Mauss remarque que, dans l'essai sur le don, justement, il fait cette remarque que la propriété intellectuelle fait ressurgir quelque chose de cette construction où le droit va suivre la chose où qu'elle aille, entre quelques mains qu'elle se trouve. Et donc, le problème qui se pose moderne de la propriété intellectuelle, c'est comment on peut avoir une libre circulation tout en obligeant dans le monde entier tout détenteur de la chose à honorer la dette qu'il a contractée vis-à-vis du propriétaire de l'esprit de la chose, par exemple le propriétaire du logiciel. Et telle a été la raison d'être lors de la négociation, de la création de l'Organisation mondiale du commerce. C'est ce qu'on appelle dans le jargon les accords TRIPS, et en français, accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui ont été conclus donc dans le cadre de la création de l'OMC. C'est cet accord international qui fonde aujourd'hui la possibilité, un engagement des États à faire respecter dans le monde entier un système qu'on pourrait dire, sans exagération, de prélèvement obligatoire à l'échelle mondiale au bénéfice des détenteurs privés des droits de propriété intellectuelle. Donc nous avons ici quelque chose qui donne un exemple. On pourrait imaginer de faire la même chose pour les droits sociaux. C'est-à-dire, il faut que tout État s'engage à prélever, à éviter que mettre la mise en concurrence fiscale, par exemple, ou en matière de cotisation sociale, l'accord TRIPS vient verrouiller le système, a priori, pour s'assurer que dans tous les pays du monde, tout le monde devra rémunérer et reconnaître les droits du propriétaire intellectuel. Et la résurgence de la vieille distinction féodale ici entre domaine utile et domaine éminent est évidente. Collège de France et France Culture vous présentent le juriste Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui, la résurgence du gouvernement par les hommes. Mais la propriété intellectuelle n'est pas le seul facteur de fragmentation du droit de propriété. Et ce dernier ne suffit plus à rendre compte de la réalité du contrôle économique de nombreux biens, contrôle qui se trouve divisé entre plusieurs titulaires, personnes privées ou autorités publiques. Alors, ça ne surprend pas s'agissant de choses qui ne sont pas dans le commerce ou qui n'y sont que par l'effet d'une fiction, comme le travail, la nature ou la monnaie. En effet, de telles fictions ne sont tenables que moyennant la limitation des droits de ceux qui s'approprient ces ressources humaines ou naturelles, dont la préservation et le renouvellement intéressent le bien commun. Pour moi, c'est une observation tout à fait fondamentale que fait Karl Polanyi lorsqu'il montre que l'économie contemporaine est fondée sur cette triple fiction de traiter la nature, le travail et la monnaie comme des produits, alors que ce ne sont pas des produits. Mais si vous faites comme si ce sont des produits, eh bien à ce moment-là, vous allez épuiser la terre, épuiser les ressources humaines, et vous allez finalement effondrer la confiance dans la monnaie. Donc pour que ces fictions juridiques, comment faire pour que le travail d'un individu soit considéré comme une chose dans le commerce, il faut que quelque part soit pris en charge ce qui est incalculable, ce qui relève du temps long de la vie des personnes. Bon. De même, on peut considérer qu'un morceau de terre est une marchandise comme si c'était une motte de beurre, mais il faut à ce moment-là que quelque part soit pris en charge le fait que la façon dont on gère la terre, les plantes et notre environnement naturel, notre écosystème, mobilise des problèmes qui débordent de loin le simple échange marchand. Donc cette fiction n'est tenable que moyennant la construction de dispositifs protégeant le temps long. Et ces dispositifs, jusqu'à présent, étaient construits dans le cadre des États, et évidemment le problème se pose à partir du moment où ces cadres étatiques craquent de toutes parts. Et ce n'est pas surprenant, ces différents éléments, ou certains d'entre eux, entre eux, qu'on retrouve aujourd'hui sous le concept de développement durable. Développement durable qui est un oxymore, parce que si l'être humain continue à pousser indéfiniment, on peut se demander si c'est durable. Enfin, oui, il y a quelque chose de... c'est un oxymoron évident. Mais c'est quand même le retour d'une prise de conscience sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on considère comme des biens économiques, mais qui appellent une attention et notamment un traitement juridique notamment particulier. Au fond, cette notion est un rappel du caractère relatif de la propriété privée sur ce type de ressources qui relève du domaine éminent d'être transcendant, tel que par exemple la notion qui s'est développée depuis une vingtaine d'années de patrimoine commun de la nation ou de patrimoine commun de l'humanité. Et le domaine de cette dernière s'étend au corps de chaque être humain et en limite l'exploitation et la commercialisation. Mais cette perte d'exclusivité du rapport de l'homme à sa propriété est aussi à l'œuvre s'agissant des marchandises proprement dites. Le régime de responsabilité du fait des choses faisait déjà réapparaître l'idée d'un tenancier de la chose, éventuellement distinct du propriétaire, et dont le rapport à cette chose dépend du lien qui l'unit au propriétaire. Et l'altération du rapport exclusif entre l'homme et sa propriété est encore plus manifeste dans le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Alors, ce régime a été institué par une directive européenne du 25 juillet 1985 et transposé dans la loi française. Il s'agissait, à l'échelle du marché européen, de protéger les consommateurs contre les produits défectueux et de pouvoir trouver qui était responsable de cette défectuosité lorsqu'elles avaient des effets pour la, en particulier, santé et la sécurité. Vous avez un objet qui explose ou un jouet dont on s'aperçoit qu'il va détruire la santé de l'enfant. Alors, dans un monde où les marchandises circulent, qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui vous l'a vendu au coin de la rue? Eh bien, non, on a dit, en principe, le responsable ultime, c'est le producteur de la chose, celui qui l'a fabriquée ou mise en circulation sur le marché. Et c'est lui qui doit demeurer responsable des dommages causés par les défauts de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Normalement, dans nos conceptions, j'allais dire, de classique, on dit ben, j'ai acheté un produit, mon vendeur a une responsabilité en cas de défectuosité du produit, je me retourne contre le vendeur. Là, on a mis en place un mécanisme qui va permettre de se retourner, non pas contre le vendeur qui ne connaît pas la technicité du produit, mais contre celui qui l'a mis sur le marché. Et de même que la propriété intellectuelle, la responsabilité du producteur, à ce moment-là, suit la chose entre les mains de ses détenteurs successifs et oblige à organiser ce qu'on appelle une traçabilité du produit. Alors, ça a été notamment évident dans le cas des scandales alimentaires, quand on s'aperçoit qu'est vendu sous le nom de bœuf du cheval, ou bien dans les affaires dites de la vache folle et autres scandales, où on s'aperçoit d'une complexité extraordinaire, d'ailleurs, des filières agroalimentaires, et le problème est toujours de pouvoir identifier celui qui a 1000 produits sur le marché. Donc la différence avec ce que j'expliquais sur les logiciels tout à l'heure, c'est que c'est une dette du producteur et non pas une créance de l'auteur qui circule alors avec le produit. Et le producteur demeure garant de la sécurité de la chose en quelques mains qu'elle se trouve. D'ailleurs, les fabricants de logiciels veulent échapper à ça. Ils disent, je vous donne un droit d'utilisation, maintenant si ça fait exploser votre ordinateur, je m'en lave les mains parce que je ne serai pas responsable. Si bien que, sous le régime de la directive, la responsabilité du fait de la chose se dédouble en ce qu'on pourrait appeler d'une part une responsabilité utile qui incombe au gardien et une responsabilité éminente dont le producteur ne peut s'affranchir. Vous avez acheté une voiture avec les freins lâches, alors on va se demander, il y a une part de responsabilité, peut-être vous rouliez trop vite, etc. Et puis si on s'aperçoit que les freins ont lâché à cause d'un défaut de conception du produit, c'est la responsabilité du fabricant qui sera mise en cause. Voilà pour ce qui est du démembrement de la propriété. Maintenant, autre aspect, à côté de la concession des choses, j'avais parlé de la concession des charges, qu'on appelait aussi l'affermage des fonctions. Cette notion d'affermage, je ne sais pas si elle vous est familière, mais on appelait fermiers généraux notamment, c'était ces personnes très riches en général, à qui l'État, le roi, plutôt que de lever les impôts lui-même, qui est toujours quelque chose d'aléatoire, de coûteux psychologiquement et financièrement, s'adressait à une personne riche qui lui donnait immédiatement le produit de l'impôt attendu ou espéré, et ensuite cette personne, on lui concédait le droit d'aller lever l'impôt. On peut dire c'est une privatisation des services fiscaux, l'affermage. C'était ça, les fermiers généraux. Donc l'affermage des fonctions, ça désignait le fait pour la puissance publique de confier à une personne privée la gestion d'un service royal. On peut penser, bien entendu, que ce système, qui était au cœur des critiques au moment de la Révolution française, les fermiers généraux, il y en a pas mal qui sont passés sur la guillotine, ça n'avait évidemment pas une très bonne réputation. Ce système, on pourrait penser que notre ordre juridique en a été complètement purgé. On le voit réapparaître, là aussi, sous des visages nouveaux. Ce phénomène de retour à un affermage des fonctions concerne aussi bien le public que le privé et brouille la frontière qui les sépare. Ce phénomène s'est d'abord affirmé dans la gestion des entreprises privées. Alors ça c'est une question, encore on y reviendra parce que c'est un phénomène très important. Dans le modèle industriel dit fordiste, l'entreprise est conçue comme une structure intégrée, hiérarchisée, et j'allais dire presque autosuffisante dans la fabrication du produit. Et elle contrôle ainsi, c'était ça la raison, tous les éléments de son produit. Quand Ford vend une voiture, les moindres éléments qui composent la voiture ont été faits par Ford, donc il sait ce qu'il vend, il a une maîtrise complète de son produit. Ce à quoi on a assisté dans l'organisation économique depuis une trentaine d'années, c'est l'arrivée, le développement d'un nouveau modèle d'organisation économique et d'entreprise qui a consisté pour elles à segmenter leur activité sous la pression souvent de la financiarisation de l'économie en unités de coûts et de profits. Je dis que c'est lié à la financiarisation parce que ce sont, à partir du tournant qui a été pris avec la corporate governance, quand les actionnaires ont repris la main, si je puis dire, ils ont voulu voir dans ce que les économistes appelaient la boîte noire de l'entreprise, où ça crachait du cash, pour employer le vocabulaire, et où ça en crache moins, et où ça en crache pas. Par conséquent, l'idée était d'identifier les zones les plus juteuses, et on a appelé ça, il faut recentrer l'entreprise sur son métier principal, c'est-à-dire là où elle est la plus profitable, et le reste, l'externaliser auprès d'autres opérateurs qui vont en faire leur métier principal. Et donc, au lieu d'être pensé sur le modèle, effectivement, d'une organisation hiérarchisée et intégrée, l'entreprise a été pensée de plus en plus sur un modèle de réseau où l'on externalise les fonctions les moins rentables et où on se concentre sur le métier principal, c'est-à-dire sur les activités qui apparaissent les plus compétitives. D'où cette évolution bien connue du modèle fordiste au modèle en réseau des entreprises. Ça pose une foule de problèmes juridiques liés à la nature des liens de dépendance qui vont se tisser à l'intérieur de ces réseaux entre les entreprises qui sont des entreprises dominantes dans le réseau et les entreprises dominées. Parce qu'avec cette figure apparaît quelque chose qui n'était pas aussi pensé encore. Moi, quand j'étudiais le droit du travail, l'employeur avait le pouvoir. Aujourd'hui, on a ce phénomène nouveau d'employeurs qui sont dépendants. Enfin, il est nouveau à l'échelle de l'ère industrielle, parce qu'on connaissait ça avant. Mais la figure de l'entrepreneur dépendant, et qui est formellement l'employeur, mais qui en réalité n'a pas le pouvoir de décision, bouscule bien entendu toutes les catégories du droit du travail, puisque on va imputer la responsabilité d'une décision à quelqu'un qui en réalité ne la prend pas. Donc c'est aussi une technique de dissociation du pouvoir et de la responsabilité, qui pose un certain nombre de problèmes. Et c'est tous ces problèmes qu'il y a derrière la notion de lien d'allégeance. Ça concerne le secteur privé. Dans le secteur public, on a eu aussi j'emploie le terme, il est peut-être un peu provocant dans un terme historique, mais je pense que techniquement il est juste, d'affermage des fonctions publiques, qui a pris le visage moderne de ce qu'on appelle la contractualisation de l'action de l'État. On s'est dit, il faut organiser l'État sur le même modèle que les entreprises, ça c'est les théories du New Public Management, et s'inspirant donc de ce modèle d'externalisation des fonctions, l'État s'est engagé dans un double mouvement de segmentation de ses différentes fonctions et d'extériorisation de celles qui ne lui semblaient pas relever de son métier principal. Alors, les premières tentent à être autonomisées, moyennant leur engagement au respect de certains objectifs et à leur soumission à des indicateurs. Alors ça, c'est toute l'affaire de la LOLF que nous avons évoquée l'année dernière. Et quant aux secondes fonctions, elles sont privatisées, moyennant leur régulation par des autorités investies du rôle de gardienne de l'intérêt général à l'égard d'un produit ou d'un service déterminé. C'est ce qu'on appelle mon ami et collègue Frison Roche, qui est une grande spécialiste de ça, c'est ce qu'elle appelle le droit de la régulation, c'est-à-dire il y a eu l'émergence de figures d'autorité. Donc l'État ne gère plus directement un service, il le confie à des opérateurs privés, mais il considère que ce service a quand même une dimension d'intérêt général. Donc on institue une autorité qui va être en charge de réguler, c'est le terme, le marché ainsi créé. Alors c'est comme ça que ça marche maintenant en matière d'électricité, de routes, de télécommunications, de bourses, de chemins de fer, bientôt les prisons. On peut tout concevoir dans l'action de l'État sur ce mode des autorités de régulation. Donc c'est un intermédiaire entre une privatisation pure et simple, quand on a par exemple considéré que les banques, ça ne concernait pas du tout les questions d'intérêt général, ça paraissait absurde, pourquoi est-ce que l'État contrôlait des banques? Alors après 2008, on a compris pourquoi, parce que la monnaie touche à des questions absolument essentielles. Mais il y a un moment où on disait, mais pourquoi au fait, pourquoi l'État contrôle des banques? Ça n'a aucun sens. Donc là, on renvoie purement et simplement au marché. Et puis il y a d'autres catégories, on dit ça concerne des services, on appelle en droit européen des services d'intérêt général. Donc là, on a fabriqué des marchés régulés par des autorités qui sont distinctes de la puissance publique. Au passage, on voit réapparaître là aussi des catégories très familières du droit féodal, c'est la distinction entre la potestas et l'auctoritas. Donc vous avez celui qui va avoir le pouvoir d'agir et l'autorité qui fonde ce pouvoir d'agir. Simplement, on ne parle plus évidemment en latin, on parle maintenant de régulateur et d'opérateur. Mais c'est la même chose, le régulateur c'est l'auctoritas, et l'opérateur, c'est celui qui a le pouvoir d'agir du point de vue économique. Et au fond, c'est tout l'attirail juridique féodal qui ressurgit ici sous des formes nouvelles, à commencer par la vénalité des offices et des charges, c'est-à-dire que ça devient des choses qu'on on va dire, je distribue aux plus offrants les ondes en matière technologique. C'est quelque chose où le grand juriste Esmain voyait il y a un peu plus d'un siècle une organisation monstrueuse. Je ne sais pas ce que penserait Esmain du droit de la régulation. Mais ça fait un retour en force au nom du démantèlement des monopoles dont jouissaient les entreprises publiques. Et voyez pourquoi on voit ici que c'est vraiment la tenure-service qui redevient la forme normale d'exercice de ce que le traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne nomme les services économiques d'intérêt général. Lorsqu'on dit les autoroutes sont confiées, on fait une sorte de marché, on répartit les autoroutes françaises entre un certain nombre d'opérateurs privés, moyennant un certain nombre de charges pour elles, on est dans un cadre de tenure-service. Et plus généralement, la privatisation des fonctions publiques fait progressivement disparaître la distinction qui fut si longue à conquérir à l'aube des temps modernes de la fonction publique, douée d'une éternelle dignité, et de l'homme mortel qui l'occupe provisoirement. Il faut reprendre Kantorowicz qui explique comment c'est les deux corps du roi. Progressivement s'était installée cette idée que la dignité de la fonction est immortelle, le roi est immortel, mais ce qui est vrai du roi est vrai de l'administrateur du Collège de France ou de n'importe quel député, ministre. Il y a quelque chose qui dépasse sa personne et qui ne meurt pas, et puis il y a sa personne physique. Donc il y avait une distinction nette de la dignité de la fonction avec la personne privée qui l'occupe. Et cette distinction, elle est évidemment remise en cause, notamment dans le modèle entrepreneurial de l'action publique. Je ne fais qu'analyser, je ne prenais rien de ce que je dis ici comme une critique ou des jugements normatifs. J'insiste beaucoup là-dessus et je ne plaisante pas en disant ça. Le problème, c'est d'essayer de comprendre les transformations profondes qui sont à l'œuvre dans notre système juridique. Il faut essayer de les comprendre. Après, on peut avoir des opinions. Mais lorsque on voit, donc, on dit que les universités doivent être gérées d'une façon plus rationnelle, et on peut s'accorder pour dire que les universités françaises ne sont pas forcément bien gérées. Vous voyez, si on passe aux normatives. Bon. Mais la réponse, c'est de dire on va les considérer comme des sortes de chefs d'entreprise. À ce moment-là, vous avez effectivement un effacement progressif. Il est comme un chef d'entreprise, c'est-à-dire il exerce un pouvoir privé qui est identifié à sa personne. Et à tous les échelons de l'État, on a vu cette idée de privatisation des fonctions réapparaître. Alors, au terme de ce rapide examen des formes de gouvernement par les hommes, j'espère que vous comprenez mieux à présent quel sens j'attribue à la notion de reféodalisation. Il ne s'agit nullement de dire que nous retournons au Moyen-Âge, mais il faut prendre acte de cette nature sédimentaire d'histoire des institutions. Il s'agit bien de trouver plutôt les concepts juridiques, dans ces concepts juridiques propres à la féodalité, des clés d'analyse des bouleversements institutionnels de grande ampleur qui sont à l'œuvre derrière la notion acritique de globalisation. Et donc, encore une fois, mon propos n'est pas de porter un jugement de valeur sur ces bouleversements, mais plutôt d'essayer de les comprendre en usant des ressources d'analyse juridique. Et il n'est pas davantage mon propos de faire de ces bouleversements une lecture culturaliste qui consisterait à faire rentrer le nouveau dans l'ancien, comme si l'histoire, en se faisant, ne donnait pas le jour à des configurations juridiques inédites. Autant il est faux, en effet, d'envisager le monde globalisé comme un monde plat, une tabula rasa, où se déploierait de manière uniforme la gouvernance par les nombres, autant il serait absurde de l'envisager comme la juxtaposition de cultures qui persisteraient invariablement dans leur être, et on méconnaîtrait ainsi leur perméabilité et leurs influences mutuelles. Par exemple, sous le poids de 2 siècles et demi de domination coloniale et d'impérialisme économique et culturel, je crois qu'il n'y a plus aujourd'hui de civilisation dans le monde, pas même au Vanuatu ou en Amazonie, qui n'ait été influencée par les manières occidentales de se représenter et de gouverner les sociétés humaines. Et cet effet miroir a conduit même les pays dominés ou colonisés à objecter à leurs oppresseurs les principes mêmes qu'il professait et qu'il trahissait dans la colonisation, comme la liberté, l'égalité, les droits de l'homme et du citoyen. Mais elle les a aussi conduits à adopter les aspects les plus délétères de la civilisation occidentale. C'est une observation que fait Simone Weil dans une note dont je vous recommande la lecture, qu'elle rédige peu avant de mourir en 1943 sur la colonisation. C'est une petite note qui s'appelle « À propos de la question coloniale dans ses rapports avec le destin du peuple français ». C'est un texte très impressionnant parce que, très bref, hein, elle dit « Qu'est-ce qu'on va faire à la fin de la guerre avec les colonies ?» Et elle dit « Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais je vais vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. » Et quand on la lit, on s'aperçoit que c'est ce que les gouvernements français ont vraiment fait, tout ce qu'elle disait qu'il ne fallait pas faire. Et là, elle s'exprime à propos du Japon. Vous savez que le Japon a été le meilleur élève de l'Occident, et donc il a entrepris à son tour de devenir une puissance colonisatrice dans l'entre-deux-guerres. Et elle a cette formule, comme l'alcoolisme, la tuberculose et quelques autres maladies, le poison du scepticisme est bien plus virulent dans un terrain naguère indemne. Nous ne croyons malheureusement pas à grand-chose. Nous fabriquons à notre contact une espèce d'homme qui ne croit à rien, et si cela continue, nous en subirons un jour le contre-coup avec une brutalité dont le Japon, c'est moi qui ai ajouté de 1943, nous donne seulement un avant-goût. Et on ne comprend pas, par exemple, les difficultés de nombreux pays africains à se doter d'un État si l'on oublie que le modèle de l'État qui leur a été légué par la colonisation, c'est celui d'un État prédateur. Les administrateurs coloniaux n'étaient pas là pour servir les populations. C'était là pour extraire les richesses des colonies. Donc l'objectif essentiel était, j'allais dire, une expression de contexte colonial, de faire suer le burnou, d'exploiter autant que se pouvait les populations locales plutôt que de les servir. Et une grande partie des couches dirigeantes issues de la décolonisation ont repris ce modèle à leur compte, c'est-à-dire le modèle d'un État plutôt prédateur, pas d'un modèle d'un État qui sert. Et ça participait à l'avènement de ce que le sociologue gabonais Joseph Tonda appelle dans un très beau livre qu'il a écrit, qui est publié chez Cartala, « Le souverain moderne », où il décrit ce contexte actuel face aux questions, ou l'absence d'État en réalité. Et le problème, parce que certains disent, alors là c'est du culturalisme affreux, c'est de dire « non, c'est pas dans les gènes des Africains d'avoir un État ». Ils aimeraient bien avoir un État impartial, non corrompu, quelques services publics qui fonctionnent. Mais on ne comprend pas ce qui s'est passé si l'on oublie qu'effectivement, le modèle qui a été donné d'administration pendant la période coloniale a été un modèle de prédation. Donc il y a tout à réinventer, si je puis dire, en se fondant. Tout ça pour vous dire que donc il n'y a pas de système qui ait échappé. Nous sommes tous dans le même bateau, quoi, enfin, pour dire les choses. Donc il faut essayer de ramer ensemble après avoir un peu repéré les écueils. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 14 mai 2014 Alain Supiot, Les figures de l'allégeance, aujourd'hui, la résurgence du gouvernement par les hommes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours d'Alain Supiot. Son cours sur la gouvernance des nombres suivi des figures de l'allégeance en partie 2 a été publié chez Fayard en 2015. Le juriste a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Documentation musicale Antoine Villoz, iconographie web Claire-Coinsignon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot l'analyse des figures de l'allégeance. Il sera question des transformations des relations de travail depuis l'âge fordiste. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.